Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé, avec toujours cependant de la qualité et pas des moindres au menu. On a rentré quelques petites nouveautés dans l'émission de ce soir. Petites nouveautés entre gros guillemets, bien sûr. On aura les ricains de Year of the Knife, Autopsy, End, le black metal de Azagroom. Et quelques autres formations qu'on vous présentera tout au long de l'émission de ce soir. En ouverture, une doublette qui casse des bouches et des genoux. Cannibal Corpse, Year of the Knife. Voilà, Year of the Knife, ce qui sera d'ailleurs première nouveauté dans l'émission de ce soir. Cannibal Corpse, tout d'abord, voilà, l'excellent groupe, hein, toujours de death metal, qui nous vient de Floride, qui sort là son 16e effort studio. 2 ans après Violence Unimaginated, qui était sorti en avril 2021, ils nous sortent là Chaos Horrific. L'album est sorti pile poil 31 ans après le cultissime Tomb of the Mutilated, qui avait vu le jour également un 22 septembre, mais cette fois en 92. Voilà, Cannibal Corpse, plus de 30 ans de carrière au service du death metal de Boucher. Voilà, je n'arrête plus je n'ai de cesse de glorifier ce groupe de death metal qui a encore trouvé un nouveau souffle là avec l'intégration de Eric Rutan à la guitare. Year of the Knife, ensuite, c'est clairement un groupe que j'adore depuis quelques années, depuis que je les ai découverts. Year of the Knife a sorti un court EP au tout début de cette année. Ils nous sortent là un second album longue durée, actif depuis une dizaine d'années. La formation du Delaware n'arrête pas de franchir des étapes en termes de violence, de radicalité, de colère. Là, on est toujours sur du hardcore death, mais on est même plus sur du death hardcore, pour pas dire grindcore, dans leur approche radicale énervée. 9 titres pour tout juste 20 minutes. À noter bien évidemment que cet album a été enregistré avant que le groupe ne soit victime d'un terrible accident de la route en pleine tournée aux US. Voilà, les membres les plus touchés, notamment Maddy, la vocaliste, commencent à recomposer un peu leur vie. Hein. Elle est passée pas loin d'une tétraplégie, pour ne pas parler d'un état végétatif. Voilà, Year of the Knife, qu'on espère revoir sur les planches et enregistrer du nouveau matériel suite à ce terrible accident. Niveau présentation des morceaux, Cannibal Corpse, Summoned for Sacrifice, extrait de leur nouvel effort studio. Year of the Knife, Mourning the Living, extrait de l'album No Love Lost. C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission de ce soir. Chosen by the elders to kill. One chosen by the elders to die. Summoned for sacrifice. Taken to a dungeon where others appear before him. Enveloped in fear and silence. Arms and legs are shackled. Awaking in the dark and cold. The time has now arrived. Dissected and exterminated. Torches and earth starts to glow. 46 lives cannot complete. One by one to mutilate them. With lies in them they'll take their turn. The broken pieces of it. My army to suffer to breathe no more. One comes from the foot of blood, the echo as the blood begins to spray. The second one acts of an interest, the third one does the same. The fourth one strikes from the other foot, the fifth one is a leg. The sixth one jumps on one of his own, not much of him remains. Those two dead when they play foul, in a few minutes it'll be over. When those in hand, they'll take their turn. Removing pieces of it, my army to suffer to embrace no more. Until he breathes no fucking more. Pour la suite, pas de nouveautés cette fois. Sulfur Ion enchaîné à Cirrus Ungol. Sulfur Ion, ce groupe de Lovecraftian Black Death Metal qui nous vient d'Allemagne, qui vient de sortir un excellent Seven Crowns and Seven Seals, une sortie Van Records. Toujours voilà ce death metal incantatoire, occulte, rampant, caverneux, sombre et puissant, tout ça à la fois. Et on va s'écouter le titre Hammer from the Howling Void. En doublette, Cirrus Ungol, formation de vétérans qui nous vient de Californie. On est sur du Heavy Epic Doom qui s'est formé dans les années 70. Voilà, le groupe s'est reformé au milieu des années 2010. C'est leur second opus depuis. Hein, le groupe a splitté pendant presque plus de 20 ans, hein, presque 25 ans même. Voilà, c'est peut-être leur dernier effort studio, toujours est-il que le groupe a annoncé que ses derniers concerts auraient lieu en 2024. Il sera peut-être temps après, effectivement, pour cette formation de Oldies, de se reposer. Au niveau de la musique, Sulfuran, on se l'a déjà dit, Cirrus Ungol, Velocity, c'est tout l'inverse pour le coup des compos de cet album, extrait de l'album Dark Parade. C'est parti. Oh, Into a sulfurous Pas de nouveautés sur la doublette précédente. En revanche, là, une doublette de nouveautés. Autopsie, tout d'abord. Pareil, on est vraiment sur une formation de vétérans. C'est du Gordes. Ça nous vient de Californie. C'est le 10e effort studio. Longue durée. Très prolifique, hein. Le précédent album était sorti il y a environ un an. Morbidity Triumphant. Voilà, on est toujours sur 11 titres pour à peu près 40 minutes. Un nouveau visuel signé Wes Bancaster. Zéro évolution dans leur set du groupe, d'un côté tant mieux, parce que bah, ça reste ultra sale, groovy, lancinant, et à côté ça, on a des up-tempo ultra énervés et efficaces. Ça reste donc un terrain connu, ça va pas révolutionner le style du groupe, mais bon, qu'est-ce qu'on a à attendre d'un groupe comme Autopsy, sinon de effectivement avoir ce entre guillemets pilotage automatique avec ces petites perles disséminées tout au long de ce nouvel effort studio. Ma foi, rien de plus, hein. Et puis Autopsy sur scène, ça reste toujours bien la grosse patate. En doublette, Azagrome, là par contre on est sur une formation beaucoup plus récente. Une formation qui nous vient de Hollande, voilà, on est sur du black metal bien frontal. Une dizaine d'années que la formation existe, on est sur un black d'inspiration scandinave des 90s. Pour vous parler de radicalité, c'est même placé dans la lignée d'un Darkness Nocturne Sans Occult. Est-ce que ça vient du fait que c'est une formation 100% féminine? Peut-être. Voilà, ça rajoute encore un peu plus de hargne au black metal que Azagrome propose. 4 ans se sont écoulés depuis le précédent album studio, c'est donc le troisième qui vient de voir le jour. 35 minutes seulement, entre guillemets. En même temps, ça respire pas des masses, à part sur quelques nappes un peu plus atmosphériques. À noter que la recette est toujours aussi haineuse et frontale. Les présentations sont faites. Autopsy, No Mortal Left Alive, extrait de l'album Ashes, Organ, Bloods and Crypt. Tout un programme. Une sortie Peaceville Records, c'est sorti toute fin octobre. Et c'était sorti un tout petit peu plus tôt, Veil of Death Ruptured, l'album de Azagrome. On s'écoutera le titre Fearless Dominance. Et c'est parti. We'll be right back. Pour la doublette suivante, encore un petit peu de nouveautés et toujours pas forcément de temps de repos. Tout d'abord, Svalbard, la formation post-hardcore, post-metal qui nous vient d'Angleterre, active depuis une dizaine d'années et qui ne cesse de monter. La vocaliste, notamment, je trouve qu'en termes de capacité vocale, c'est toujours aussi fou. Je me suis penché un peu sur son projet Black perso Noctule. C'est hyper efficace ce qu'elle peut nous proposer, même toute seule de son côté, sur une approche encore plus extrême de la musique. Le quatrième effort studio de Svalbard vient de voir le jour. Au passage, une petite signature chez Nuclear Blast. C'est viscéral, c'est violent, c'est mélancolique. On a quelques passages un peu plus clean qui dénotent, déroutent un petit peu, mais qui en même temps permettent de se recaler rapidement dans la musique de Svalbard dès qu'on repasse sur des séquences beaucoup plus frontales. En doublette avec Svalbard, un peu dans la même veine, hein, juste pour le côté, on va dire, core. On retrouve End, le super groupe qui nous vient du New Jersey, actif depuis une demi-douzaine d'années. Ils sortent là leur second album studio. 10 compos de leur recette toujours riche et difficilement classable. On est sur du chaotic hardcore, parfois vraiment à la limite tendance madcore. Des éléments grind, blacknend, voilà, c'est violent, c'est dérangeant, c'est intense, c'est suffocant. Ça nous roule sur la gueule pendant 30 minutes avec grand bonheur. Je parlais d'un Holstein-Berm, parce qu'au niveau du line-up, on retrouve des membres de Fit for an Autopsy, J.U. Lude, Acacia Strain et Counterparts. Voilà, des groupes pris chacun de leur côté, donc je suis pas forcément fan, mais tous ensemble au sein de End, je trouve ça vraiment ultra patate. Donc voilà, allez découvrir ce groupe qui vient assez peu souvent plus en Europe, voilà, histoire de croquer ça sur scène. Svalbard, Light Out, extra album The Weight of the Mask, and The Thin of Human Frailty, extra album The Thin of Human Frailty. On s'écoutera donc le titre de l'album. Et c'est parti. To show you. tranquillement l'émission de ce soir, et la doublette suivante va nous permettre de manière un petit peu éhontée de préparer la glissade vers l'aspect française. Afterbirth, tout d'abord, formation qu'on vous a présentée la semaine dernière, parce que c'était une des nouveautés. Un groupe de brutal death un peu prog qui nous vient de New York. Le groupe a d'abord été actif au tout début des années 90, un split s'en est suivi, et la formation s'est reformée au début des années 2010. Troisième effort studio, qui vient de sortir chez Willowtip Records, une dizaine de titres, environ 35 minutes, hein, d'un brutal death assez inventif, qu'on peut rapprocher d'un Warmed avec un filtre un peu plus old school. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de brutal death metal, proto-slam même, avec quelques petites synthés, des percus par-ci par-là pour le côté un peu prog, et des vocaux bien gutturaux, bas, et des gros lots bien sales, type Devorment Demilish. Voilà, à découvrir ou redécouvrir. Numidian Killing Machine, ensuite, on est sur Blackening Trash Speed, ça nous vient d'Alger. C'est actif depuis quelques années seulement, et le groupe vient de sortir son premier album studio. Une recette bien équilibrée sur la globalité entre du trash, du speed, et un petit relan proto-black, hein, des premiers Sodom, Venom, etc. Un niveau technique vraiment coolos, et une approche voilà, qui se veut old school, pas trop diluée non plus dans la naphtaline. Voilà, c'est pas démonstratif, c'est juste bien efficace. Et le vocaliste en session sur cet album n'est autre que Monsieur Redouane Awamer, que l'on connaît bien pour être bien sûr le gueulard énervé de Lelael. Les présentations sont faites pour la doublette à venir, Afterbirth, Angel Fist and Flies, extra album In But Of Not, Numidian Killing Machine, Psychotronic Breakdown, extrait de l'album du même nom, et c'est parti.